d'amour. Oui, je crois que la mienne commence à partir de ce jour. Oui, je crois à tous les mots d'amour que tu inventes pour moi. Parce que je crois en toi. Oh, si vrai qu'avec un peu d'amour on fait tourner la terre. Oh, si vrai que tes yeux sont ma seule lumière. Oh, si vrai que ma vie tient au fil de nos joies. Oui, je crois que mes jours n'attendaient qu'un mot d'amour de toi. Je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es près de moi. J'y crois chaque fois que tu m'ouvres tes bras. Oui, je crois qu'on peut bâtir un monde avec des mots d'amour. Oui, je crois que nous ferons ce monde à nous deux chaque jour. Oh, si vrai qu'avec un peu d'amour on fait tourner la terre. Oh, si vrai que tes yeux sont ma seule lumière. Oh, si vrai que ma vie tient au fil de nos joies. Oui, je crois que mes jours n'attendaient qu'un mot d'amour de toi. Je crois